« Je suis très las, » pensait Rivière. La fièvre montait en lui, caressante. Il tapotait la feuille et pensait. J'aimais bien le visage de ce vieux compagnon. Et Rivière revoyait ses mains. Il pensait à ce faible mouvement qu'elles ébaucheraient pour se joindre. Il suffirait de dire « ça va, restez !» Rivière rêvait au ruissellement de joie qui descendait dans ses vieilles mains. Et cette joie que dirait, qu'allait dire, non ce visage, mais ses vieilles mains d'ouvrier, lui parut la chose la plus belle du monde. « Je vais déchirer cette note ? Je déchire ?» Le téléphone sonnait. Rivière le décrocha. Un temps long, puis cette résonance, cette profondeur qu'apportait le vent, l'espace, aux voix humaines. Enfin on parla. « Ici le terrain, qui est là ?»« Rivière. »« Monsieur le directeur, le 650 est en piste. »« Bien. »« Enfin, tout est prêt. » Mais nous avons dû, en dernière heure, refaire le circuit électrique. Les connexions étaient défectueuses. Bien. Qui a monté le circuit? Nous vérifierons. Si vous le permettez, nous prendrons des sanctions. Une panne de lumière de bord, ça peut être grave. Bien sûr. Rivière pensait. Si l'on n'arrache pas le mal, quand on le rencontre, où qu'il soit, il y a des pannes de lumière. C'est un crime de le manquer, quand, par hasard, il découvre ses instruments. Roblet partira. Rivière pensait à ces temples que de petites lianes font crouler. Une grande œuvre. Il pensa encore pour se rassurer. Tous ces hommes, je les aime, mais ce n'est pas eux que je combats, c'est ce qui passe par eux. Son cœur battait des coups rapides qui le faisaient souffrir. Je ne sais pas si ce que j'ai fait est bon. Je ne sais pas l'exacte valeur de la vie humaine, ni de la justice, ni du chagrin. Je ne sais pas exactement ce que vaut la joie d'un homme, ni une main qui tremble, ni la pitié, ni la douceur. Il rêva. La vie se contredisant, on se débrouille comme on peut avec la vie. Mais durer, mais créer, échanger son corps périssable? Rivière réfléchit, puis sonna. Téléphoner au pilote du courrier d'Europe, qu'il vienne me voir avant de partir. Il pensait, il ne faut pas que ce courrier fasse inutilement demi-tour. Si je ne secoue pas mes hommes, la nuit, toujours, les inquiétera.